vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Like signifie j'aime. Offre soumise à condition, dont 40 euros par mois remboursés pour les nouveaux clients Orange. Engagement 12 mois minimum. Détails sur orange.fr. Leclerc. Chérie, mardi chez Leclerc. Et ce mardi seulement, 30% de remise immédiate sur le rayon soupe. Toutes les soupes ? Parfaitement. 30% de réduction immédiate sur toutes les soupes, de toutes les marques, de tout le rayon. Ça y est, j'ai envie de soupe. Mardi 20 novembre chez Leclerc, bénéficiez de 30% de réduction immédiate sur tout le rayon soupe. Le super pouvoir d'achat du mardi, c'est de pouvoir s'offrir ses produits préférés dans ses marques préférées. Offre non cumulable avec d'autres promotions en cours. Voir modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Et c'est mardi seulement. Pour votre santé, évitez de grignoter. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon vie parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Angèle, j'adore ce titre. C'est que t'as rien compris. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. On est sur Énergie, Bichette, prépare-moi un jingle, une intro. Dans un instant, les gens du public qui sont en école de radio vont donc, une fois de temps en temps, on en prendra comme ça avec nous. Parce que dans le public, il y a de tout, il y a des auditeurs qui viennent de partout. Et des fois, il y a des jeunes qui viennent d'une école de radio. Ils vont voir, ils vont nous montrer ce que ça donne. 649 327, on n'est pas à 650 000 sur mon compte Insta. On n'y est pas. On y est presque. Il reste 7 minutes, c'est mort, les amis. Tu veux pas faire un truc ? Faire quoi ? Bah, si t'arrives à 650 000, tu te fous à poil. Enfin, ah ouais, tu te fous à poil. Torse nu au moins. Et c'est comme ça que ça marche sur Insta. Hein, c'est les gens quasiment poil. Qui... Je pense que si moi je mets une photo torse nu, je peux avoir des moins 200. Tu sais, c'est possible. Merde, j'ai perdu la vie. J'ai moins 200 likes. Non mais, torse nu. Donne un crédit de like. Quand il veut, mais il se met torse nu. Regarde, ça monte d'un coup. Une belle photo torse nu à 650 000. Non, mais dehors, non. Si. Vous savez quoi ? Je prends aucun risque. T'es dans ta salle de sport. Il reste 6 minutes, je prends aucun risque. De quoi ? Attends. Donc tu dis oui ? Oui. Tu dis oui ? Je dis oui. Les gars. En 6 minutes, je prends pas de risque. 649, 339, il manque 600 personnes. Je ne prends aucun risque. 600 personnes, 600 personnes, là, abonnez-vous. Quoi. Oui, on le voit à poil. À poil. Je veux voir tes tétons. Non. Tu ne verras que ça. En plus, il fait froid. Donc, voilà, on est tranquille. Non, mais t'es d'accord. Je suis d'accord, 650 000. Mais regarde, ça n'y arrivera pas. Ça recule. Allez, là on est descendu à 200 000. Ah non, rhabille-toi finalement. Coé officiel.